Chapitre 4. Pluie et pleurs en Allemagne. Il y a quelques mois, les parents de Klaus ont acheté une maison neuve, pas très grande, mais fort bien conçue, à l'orée de la forêt de Bückeburg. Dès notre arrivée, Monsieur Lehmann prend délicatement mon poignet et y attache un bracelet en argent. Moi qui n'ai pas l'habitude des cadeaux et pas du tout celle des bijoux, je ne sais que rougir et bafouiller un remerciement maladroit. Un homme très attentionné, il n'y a pas à dire. La lumière qu'il a dans les yeux quand il revient de son jardinet avec des concombres, des salades et des haricots verts me fait penser que cet homme s'entendrait parfaitement avec mon père, qui, lui aussi, trouve son bonheur dans la nature et le travail de la terre. Je me rappelle ce vieil oncle qui racontait que, le soir, à Verdun, les Français échangeaient des cigarettes avec ceux d'en face. Le lendemain matin, dès l'aube, évidemment, il fallait passer à l'attaque. La maman de Klaus, jeune quinquagénaire, tout juste rentrée d'un mois de cure en Rhénanie, avoue carrément qu'elle a mené là-bas si joyeuse vie que son époux, irrité, l'invite à un peu de retenue. Bien que requinquée et très guillerette, elle est soi-disant trop faible pour faire le grand ménage, dont s'acquitte avec maestria une solide paysanne des environs. Lorsque je vois Magda poser sa bicyclette contre le muret du jardinet, je ne peux m'empêcher de sourire de plaisir, tant la gaillarde personne aux gros bras me rappelle mes chères cuisinières de Bad Mingolsheim. La sympathie doit être réciproque, car la femme m'apporte régulièrement des cochonailles de sa fabrication à déguster. Les échanges restent cependant limités en raison de ses difficultés à s'exprimer autrement que dans son dialecte bas-allemand que je sais proche du néerlandais. Jour après jour, pendant 2 semaines, je regarde la famille vivre. J'essaye d'aider Madame Lehmann dans ses tâches culinaires, mais je ne vais guère au-delà de l'épluchage des pommes de terre et des carottes, tant la cuisine allemande me semble profondément étrangère. Tout aussi rustique que celle de ma famille. Il lui manque le riche assaisonnement avec les herbes aromatiques auxquelles je suis habituée dans ma région natale, le thym, la ciboulette, le persil et le laurier, entre autres. Accommoder les aliments autrement que ma mère et ma grand-mère maternelle, excellente cuisinière, me semble de toute façon une trahison rédhibitoire envers les miens et mes ancêtres. D'après un professeur de notre faculté, les traditions dans le domaine de la gastronomie sont celles qui se perdent le moins chez les immigrés. J'ai jeté un coup d'œil attentif sur les livres de cuisine offerts par Madame Lehmann, mais ils resteront sûrement chez moi au fond d'un tiroir. Je n'éprouve pas un grand plaisir à innover en cuisine, et je n'en ferai qu'à ma tête, comme dans bien d'autres domaines. Dans cette maison, les animaux occupent une très grande place. L'un des rouges-gorges, envolé de sa cage laissée ouverte par inadvertance, déclenche une journée entière un déluge de sanglots chez la mère et Ursula, si bien que Klaus s'est empressé d'aller en racheter un. On se lamente 10 fois par jour sur les rhumatismes du vieux caniche, au poil noir bien fatigué. La pauvre bestiole, qui n'arrive plus à se relever quand elle tombe sur les pattes arrière, fait peine, c'est vrai. Mais pour moi qui n'ai toujours constaté que des comportements distants, voire brutaux envers les bêtes dans mon entourage, tout ceci n'est que sensiblerie. Il faut dire que je n'ai jamais touché un animal de ma vie, tant je crains les morsures et les griffures. Madame Hirsch, une voisine d'une petite quarantaine d'années, nous a invités à venir admirer ces 3 chats persans. Des mamours et des cajoleries baveuses à n'en plus finir. La jeune veuve semble préférer ses bébêtes à ses 3 garçonnets et à son vieux mari, un médecin en retraite, qu'elle vient d'épouser en secondes noces, sans doute par intérêt. Elle m'a mis l'un de ses chats dans les bras, mais je déteste tellement le contact du poil que je l'ai lâché avec une mine de dégoût. Klaus a réparé ma bourde en se saisissant aussitôt du minou qui miaulait désespérément au pied de sa maîtresse, et s'est mise à le caresser avec tant de douceur que j'en étais presque jalouse. Un après-midi, Madame Lehmann rentre du jardin, visiblement bouleversée, et évoque avec moult circonvolutions de langage les meurtres rituels commis par les Juifs sur des enfants chrétiens. Je fais de gros yeux tandis que Klaus part d'un grand rire homérique. « Ce que vous pouviez être bête tout de même » lance-t-il à sa mère, confuse, comme une gamine rabrouée par son maître d'école. Il reprend sur un ton à peine moins doux. « Mais pourquoi tu ramènes ces inepties sur le tapis ?»« Madame Hirsch vient de me parler d'une affaire de disparition d'un enfant pas loin d'ici. »« Quel rapport avec les Juifs ?»« Il s'est passé des choses horribles autrefois à Chemnitz et dans toute l'Allemagne. » « Stop, maman, stop !» Madame Lehmann file en pleurnichant dans sa cuisine. Un peu plus tard, elle me rejoint dans le salon, le visage ruisselant de larmes. « Ne pleurez pas, dis-je. On vous a empoisonné dans votre jeunesse avec des discours haineux et mensonges qui vous restent dans le crâne. En 33, j'avais 15 ans. On nous rabâchait sans cesse que les Juifs étaient responsables de tous nos malheurs. Ils sont partout, les boucs émissaires, aujourd'hui encore. » L'Allemagne ne se penche pas assez, en dehors de quelques intellectuels, sur une idéologie monstrueuse et criminelle qu'il faudrait éradiquer à tout prix. Vous semblez bien connaître l'histoire du Troisième Reich, Clotilde. Je connais surtout ce qui est arrivé aux Juifs. Toute l'année, nous avons étudié à la fac une pièce de Peter Weiss relative aux horreurs d'Auschwitz, l'instruction. C'est un thème obsédant pour moi. Au lycée, dit Klaus, on n'est pas allé au-delà du XIXe siècle. Ma génération ne sait pas grand-chose de son histoire récente. Nous l'apprenons au compte-goutte quand nous allons à l'étranger et nous sommes étonnés parfois de ne pas être les bienvenus. Madame Lehmann, ne pleurez pas. Vous n'avez fait que subir. Vous n'êtes en aucun cas une personne inhumaine. Je ne suis pas d'accord avec ces théories proclamant que le peuple allemand, dans son ensemble, est responsable. Beaucoup d'entre nous vivent avec ce sentiment enfoui en eux-mêmes. Ce que votre pays a fait est lourd à porter, mais la cruauté n'est malheureusement pas une spécificité allemande. Klaus joue beaucoup aux billes avec sa petite sœur Ursula sur le trottoir devant la maison, tandis que je feuillette les livres dans la bibliothèque. Essentiellement des ouvrages classiques allemands et des traductions de grands romans américains. Sont-ils là pour le paraître ou lit-on vraiment dans cette maison? Je n'ose pas poser la question. Nous nous promenons souvent en forêt entre deux averses, à la recherche de myrtilles qui poussent abondamment dans la région. Parfois, nous faisons un tour à Bückeburg ou dans les petites villes environnantes de Rheintal, Stadthagen et Minden, tout à fait charmantes avec leurs maisons à colombages, mais passablement endormies. Un jour que le soleil pointe, nous suivons les méandres de la Weser jusqu'à Brême. Éclat métallique éblouissant dans un paysage d'un vert incroyablement intense. Le soir, nous couchons dans le même lit, au sous-sol, sans que personne ne trouve désormais à y redire. Un signe de l'évolution, ou plutôt de la révolution récente des mœurs. Les parents de Klaus considèrent notre couple comme solide, même si la mère de Klaus nous déclare, en nous remettant des alliances d'un oncle et d'une tante décédée, « Ceux-là, ils s'émettent à la folie, bien plus que vous. » Cette phrase dite incidemment m'interpelle. « Madame Lehmann, cette petite bonne femme en bras superficiel, serait-elle plus clairvoyante que la si sérieuse jeune fille que je suis ?» Samedi dernier, j'ai accompagné Klaus chez Jorg, un copain de lycée employé dans l'entreprise de ramonage de son père. Un Allemand, originaire de Hongrie. Le garçon, à la tignasse de jais, est d'une beauté troublante. Dans un intérieur charmant, tenu par une petite fée du logis, la rousse Eva, les deux compères ont évoqué avec de grands rires les vilains tours joués autrefois à un professeur, ce qui leur avait valu à l'époque quelques jours de prison. Après plusieurs bières, Jörg a proposé de fumer de la marijuana à Klaus, qui n'a pas refusé, bien évidemment. Je me suis réfugiée dans la cuisine auprès d'Eva, laquelle, des sanglots dans la voix, s'est plainte de la dépendance aux drogues de son mari qu'elle ne parvient pas à raisonner. Elle ne sait pas si elle va rester avec lui. Elle craint pour sa propre santé mentale. Pourtant, tout avait bien commencé, et elle continue de l'aimer. Hier après-midi, lors d'un café-kuchen, au cours duquel le père de Klaus avait invité des amis, Que d'émotions contenues chez Arnold Schreiber, un petit homme tassé sur lui-même, déclarant incidemment au cours de la conversation qu'il n'a été libéré des geôles soviétiques qu'en 1951. Des secondes de silence profond où l'on entendait les respirations, des dos soudain accablés par un passé terrifiant qui dort généralement tapis sous une chape de plomb au fond des têtes et des cœurs. Poser des questions dans cette atmosphère douloureuse me semblait inconvenant. Mes interrogations restent donc en suspens. Heureusement, un orage violent a éclaté et fait diversion. Une plage s'étirant à l'infini et presque déserte près de Ringkøbing dans le Jutland au Danemark. Les cris des mouettes, quelques pêcheurs à la ligne au bord de la froide mer du Nord, c'est tout. Une plaine immense, à perte de vue, derrière une barrière de dunes recouverte de hautes herbes battues par le vent. On se sent tout petit entre le ciel et la terre. Chaudement vêtu, Klaus et moi marchons jour après jour sous le ciel gris, mais assez haut en bordure de mer. En cette première semaine d'août, l'air est très frais. On tremble après la baignade, pas souvent possible, mais revigorante à coup sûr. J'aime beaucoup aller jusqu'à une rade portuaire où les bateaux se dandinent sur les flots métalliques. Dans la petite ville proche, qui ne semble pas être un lieu de villégiature très courue, les couleurs hardies des boiseries se détachent harmonieusement des murs de briques rouges. Le nord de l'Europe me paraît décidément plus gai et souriant que ma région d'origine, où domine la grisaille de la pierre, de l'ardoise et des tuiles moussues. Je m'évertue à déchiffrer panneaux et enseignes grâce à mes connaissances en danois, acquises auprès d'un vieux professeur ventripotent à la voix tonitruante, directement sorti d'un film des années 40. J'avoue que le vocabulaire étudié chez Holberg et Andersen ne m'est guère utile pour comprendre les commerçants, qui, le plus souvent, s'adressent à nous en anglais ou en allemand. Dans la grande maison louée par les parents de classe au milieu des dunes, protégée par un toit très pentu, recouvert d'une espèce de chaume jusqu'à 1 mètre du sol, le poêle ronfle presque toute la journée dans le salon. Gottfried et Gertrude, les cousins de Madame Lehmann du côté maternel, sont là aussi avec leurs 2 enfants, à peu près du même âge qu'Ursula. Le soir, alors que le vent frappe les vitres, les messieurs aiment bien se regrouper près du feu autour d'un verre de bière ou de schnapps, tandis que les dames s'affairent à la cuisine les jours où nous en avons assez des succulents hot dogs achetés à la ville voisine. Une fois de plus, ce soir, le père de Klaus et Gottfried parlent politique, car de graves événements secouent l'Allemagne depuis quelque temps déjà. Les répliques partent dans tous les sens. Ça a commencé avec l'assassinat de l'étudiant Benno Hohnsorg en juin de l'année dernière, et ça n'arrête plus. Klaus chuchote à mon oreille que le jeune homme a été assassiné par un policier de Berlin-Ouest lors d'une manifestation contre la venue du Shah d'Iran. Et maintenant, c'est au tour de la bande à Bader de faire parler d'elle, avec ses explosions de 2 grands magasins à Francfort. Il y en a marre de ces contestations permanentes contre tout et n'importe quoi. Nous sommes dans un pays de droit, oui ou non? L'opposition extra-parlementaire n'est pas légitime. Et ce Rudi Dutschke de Berlin-Ouest, qu'est-ce qu'il cherche? Quels sont tous ces sit-ins, ces contestations incessantes contre la guerre du Vietnam? Derrière tout ça, il y a la main de Moscou et de la RDA, comme d'habitude. De toute façon, Dutschke a grandi à l'Est. Et ses déclarations rageuses contre l'université, il paraît qu'elles sont moisies et qu'il faudrait la réformer de fond en comble. Nos jeunes ne savaient pas la chance qu'ils ont d'y aller. Nous, on nous envoyait à la guerre. Klaus et moi, nous nous sentons visés, bien sûr. Mais mon ami, qui n'a pas la fibre politique, ne dit rien. Il écoute la radio et lit les journaux, mais il garde délibérément une position d'observateur plus sensible dans les faits à la libéralisation des mœurs qu'au combat social auquel il ne participe pas. L'échange reprend après une courte pause. Nous serions une génération de lâches et de béni oui-oui. Tu te rends compte, Gottfried? Notre presse serait pourrie et vendue aux Américains? Qu'ils aillent de l'autre côté s'ils ne sont pas d'accord. Tous ces soi-disant intellectuels qui refusent nos valeurs, hurle Madame Lehmann depuis sa cuisine. Jamais je n'ai vu la mère de Klaus aussi remontée. Il n'y a plus de morale, lance Gertrude à la cantonade. La pornographie et les drogues sont partout. Tout s'en va à volo. Ce ne sont que des gesticulations absurdes d'enfants gâtés et paresseux. Bon, mangeons, c'est prêt. À table, le silence est lourd. On n'entend que le bruit des mâchoires et des couverts contre les assiettes. Les trois enfants se tiennent quoi? Ne pourrait-on pas laisser l'Allemagne se reposer et se reconstruire tranquillement? Je suis fatiguée de tout, finit par dire Monsieur Lehmann en soupirant. Moi aussi, Herbert. Notre jeunesse sacrifiée, les bombes, les ruines, l'exode, nos millions de morts à la guerre et dans les camps, nos veuves, ce chantier qu'a notre pays depuis plus de 2 décennies, alors que nos villes retrouvent un beau visage et que nous pouvons vivre un peu selon nos envies, il y a de nouveau le feu à la maison. Mais ça bouge dans toute l'Europe, dis-je, même dans les pays de l'Est. À Prague, le secrétaire du Parti communiste, Dubček, cherche à libéraliser le système. Ça, on peut le comprendre, car le peuple n'a pas demandé à être assujetti à la clique communiste. Mais à l'Ouest, nous avons la liberté, non? Liberté de quoi faire quand on a à peine de quoi vivre? Chez nous, en France, ce sont moins les étudiants que les travailleurs qui sont descendus dans la rue en mai et en juin. Mon père a fait grève pendant au moins 1 mois, comme tant d'autres, contre les salaires misérables et les conditions de travail le plus souvent déplorables. Des revendications parfaitement justifiées, dis-je. Que n'ai-je dit? Monsieur Lehmann, lieutenant-colonel, et Gottfried, directeur d'agence bancaire, se redressent avec raideur et me regardent en plissant les yeux comme s'ils comprenaient tout à coup qui je suis. L'une de ces contestataires qu'ils haïssent, qui les dérange dans leur certitude et leur nouveau confort. Une rouge, quoi. Me demandant ce que je fais dans ce milieu qui n'est pas le mien, j'allègue une migraine, en fait bien réelle, et vais au lit, où je m'échappe vers un autre siècle, en lisant Theodor Storm. Et Menzé, la nostalgie d'un amour de jeunesse et le rejet des valeurs bourgeoises dans cette nouvelle trouvent un écho en moi. Le fantôme d'Aziz passe. Je ressens un violent pincement au cœur, vite balayé par une caresse de Klaus qui vient me rejoindre. Je ne suis pas sûre qu'ils aient bien changé depuis Hitler, tu sais. Tu comprends peut-être maintenant pourquoi je n'aime pas mon père et ne m'immisce pas dans la discussion. C'est toujours un dialogue de sourds entre nous. Avant de rentrer à Brunswick, après notre séjour au Danemark, nous faisons une halte à Hanovre chez la grand-mère de Klaus qui habite avec Hermann, un petit vieillard tout chauve, aussi rondouillard que bavard. Leur tutoiement et leur familiarité laissent supposer qu'ils partagent aussi leur lit, un sujet tabou dans la famille. Dans les discours de la vieille dame, la confiscation de sa grande librairie à Chemnitz par les communistes de la RDA et de ses forêts en Prusse orientale par l'URSS reviennent comme un leitmotiv. Nous étions riches et menions joyeuse vie. Oui, à n'en pas douter. Elle parle aussi avec fierté de ses ancêtres huguenots, nobles Saintongeais, qui ont fui la France après la révocation de l'édit de Nantes. La conscience de son opulence passée, elle la manifeste par un port de tête royal et des gestes précieux. J'ose demander à cette personne que je ne trouve pas très sympathique. Un certain type de littérature n'était-il pas interdit sous Hitler? La grand-mère passe sa main dans ses cheveux permanentés, fraîchement teints, et répond avec une certaine morgue, où pointe un brin d'énervement. « Après 33, vous savez bien ce qui s'est passé, non? Nous n'étions pas libres, bien sûr. Vous ne cachiez rien? Mais comment ça? C'était impossible. Les commis nous auraient dénoncés. La police passait souvent. Et puis je vais vous dire, moi, j'étais derrière ma caisse et je m'occupais surtout de la maison. » Je ne me suis jamais mêlée de politique. Peu après, Hermann résume ainsi sa vie. Moi, j'étais directeur d'un bureau de poste à Hanovre, trop petit et trop myope pour être soldat. Merci, mon Dieu. Ma femme, elle, est morte dans les décombres de la maison où elle rendait visite à une amie malade. Cet immeuble où nous habitons présentement a été épargné par miracle, car nous sommes en bordure du centre-ville, dévasté par les bombardements en 43. « On n'en voit plus aucune trace, dis-je. » Nous avons reconstruit la ville d'après un plan génial en un temps record. Heureusement, les canalisations et les égouts n'avaient pas été touchés. Il a fallu d'abord déblayer et tout le monde s'y est mis, même les enfants avec leurs petites pelles. Moi, dit la grand-mère, je m'occupais du petit Klaus pendant que sa maman cherchait de la nourriture au marché noir. Elle a tout de même donné un coup de main dans la rue, malgré sa faible constitution. Nous sommes très fiers de notre nouvelle Hanovre, avec ses larges avenues et ses immenses ronds-points, reprend Hermann. Moi, je les trouve effrayants, ces ronds-points. J'ai l'impression que les voitures arrivent de partout. Non, non, oncle-t-il. Ils ont été conçus de manière cohérente. Tout a été fait pour que la circulation automobile soit la plus fluide possible. Nous avons aussi beaucoup de verdure et tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous aviez des enfants? Mes deux fils ne sont pas revenus du front de l'Est. J'ai espéré longtemps et fait de nombreuses démarches, en vain. Ils n'étaient pas parmi le dernier arrivage de prisonniers en 55. Le vieil homme ferme les yeux dans son fauteuil. On dirait qu'il dort. Tandis que la grand-mère de Klaus va préparer le café, je laisse errer mon regard sur le lourd et sombre mobilier, les dentelles, les tableaux dans leur cadre baroque, les tapis, la porcelaine, tout cela témoignant d'une solide aisance petite bourgeoise. Au moment où je m'empare de ma tasse de thé sans sa soucoupe, un quart d'heure plus tard, je vois la vieille dame froncer légèrement les sourcils. Klaus, qui connaît bien sa grand-mère, me glisse à l'oreille en français que ma façon de faire est inconvenante, ce qui me renvoie brutalement à la rusticité de mon milieu. « Désolé, dis-je avec arrogance, je ne connais pas les bonnes manières. Mes ancêtres n'étaient pas des nobles saintongeais. Bien que protestants, eux aussi pour la plupart, ils n'étaient que de vulgaires paysans. Ne sois pas aussi agressive, s'il te plaît. » Hermann, qui vient de rouvrir les yeux, allume le téléviseur, ce que je trouve très impoli quand on a de la visite. « Regardez, hurle-t-il, regardez, ça y est, les chars russes sont à Prague. Ils ont franchi la frontière hier soir. » On frappe à la porte. C'est sûrement Mina, notre voisine de palier. Une femme corpulente aux cheveux argentés rentre de suite aimantée par les images défilant sur l'écran. Nous sommes tous bouche bée. Mon Dieu, l'enfer recommence. Les Russes sont sans pitié, s'exclame Mina. Ils avancent comme des rouleaux compresseurs et dirent que nos frères d'à côté participent à la sale besogne. Fini le printemps de Prague, fini l'aspiration des peuples à une plus grande liberté, s'exclame Hermann. On savait bien que ça n'allait pas durer. Cela fait des mois que les Russes préparaient l'invasion de la Tchécoslovaquie. Ben, nous ne craignons rien avec les troupes d'occupation dans notre secteur, enchaîne la grand-mère de Klaus. Reprenez un biscuit. Les larmes coulent sur les joues de Mina. Les relations seront tendues plus que jamais. Reverrai-je jamais mes frères et sœurs qui vivent à Magdebourg? Ah, cette guerre froide qui n'en finit pas après ces atroces bombardements qui m'ont arraché une partie de ma tête. Comment ça, demande Klaus? J'ai subi un tel choc que j'avais perdu la connaissance de ma propre langue. Par contre, celle de l'anglais que j'ai enseignée était intacte. Comme c'est bizarre. J'ai dû tout réapprendre. Vous ne me croyez pas, jeune homme? Si, bien sûr. Notre retour vers Brunswick se fait dans un silence absolu. On sent une fièvre étrange dans la ville qui ne se trouve qu'à une quarantaine de kilomètres du rideau de fer et à peine un peu plus de 400 de Prague. On dirait, en ce sinistre 21 août, que les gens sont pressés de rentrer chez eux. Pour avoir son indépendance, Klaus a quitté Madame Falk et loué un appartement de deux pièces dans un immeuble de rapport de l'époque bismarckienne à quelques centaines de mètres de l'école des Beaux-Arts. Les escaliers sentent le salpêtre, les toilettes sont sur le palier. L'ameublement est fait de briques et de brocs, mais de l'une des deux lucarnes, quand on monte sur une chaise, on a une vue intéressante sur les toits et chez les voisins d'à côté. Ce dont ne se prive pas Klaus, que j'ai surprise un jour à lorgner les ébats de sa jeune voisine avec son compagnon. Mes remontrances acerbes n'ont eu pour résultat que de le faire rire. La pluie frappe contre les carreaux de la mansarde. Le ciel est uniformément gris depuis presque une semaine en cette fin du mois d'août. Toute la journée, Klaus dessine et peint. Il n'en finit pas de fignoler un tableau surréaliste où mon visage, beaucoup plus beau que nature, apparaît sur une sorte d'échiquier. Quant à moi, je lis à voix haute non seulement de courtes nouvelles, mais aussi des romans entiers en allemand. D'abord, Effi Briest de Théodore Fontane, l'histoire d'une jeune femme adultère qui meurt à 29 ans de dépression profonde dans la Prusse rigoriste de la fin du 19e siècle. Je m'attelle ensuite à Sterben, mourir, d'Arthur Schnitzler. Le sujet du dernier ouvrage est si sombre et le rythme si lent que j'ai souvent envie d'abandonner, mais je tiens bon et finis par entrer dans les méandres des sentiments d'un jeune homme atteint d'une maladie incurable qui ne supporte pas que sa fiancée ait de moins en moins envie de tenir sa promesse de le suivre dans la mort. Je me demande si cette torture intérieure des âmes n'est pas liée aux latitudes nordiques. Pourrais-je vraiment vivre dans ce pays où la grisaille peut peser des semaines entières sans la moindre éclaircie, loin des hauts nuages de ma région natale, qui laissent presque toujours passer des lambeaux de ciel bleu? Klaus se contente de hausser les épaules lorsque je lui demande s'il supporte ce manque de soleil. Je trouve l'Allemagne de moins en moins exotique. Je suis lasse des maisons à colombages, du gothique de briques, des châteaux baroques où on voit toujours la même chose. Les paysages, quand ils ne sont pas gâtés par l'industrie et l'urbanisme moderne, sont beaux, mais austères. Des Allemands, par contre, je n'ai pourtant pas une opinion négative, bien au contraire. J'apprécie le sérieux et le goût de la culture des gens que je côtoie. Je me retrouve dans leur manie du détail et de la précision. Mais ce sont rarement de bons vivants. Sans une bonne dose d'alcool, me semble-t-il, ils restent réservés, très réservés. Même auprès de Klaus, j'ai le sentiment de devoir me contrôler en permanence, car il me considère avec stupeur et réprobation dès que je manifeste une attitude quelque peu spontanée, ce qui m'arrive pourtant rarement. Quand le beau Wolfram ou ce grand teuton de Karl arrive, l'atmosphère est tout à fait agréable. Nous buvons une bière tout en écoutant Leonard Cohen que Klaus passe en boucle sur son tourne-disque neuf. Nous discutons de peinture, comme toujours, et beaucoup des derniers événements en Tchécoslovaquie. Avant de dormir, nous rions parfois, gorge déployée, à la lecture des contes du Décameron de Boccace. Assez souvent, nous rendons visite aux parents de Karl, bien moins loquaces et cordiaux que naguère. Bien moins loquaces et cordiaux que naguère. Monsieur Hasek, de mère allemande et de père tchèque, a les yeux rivés sur son téléviseur où défilent depuis plusieurs jours les images tragiques du pays voisin. Gigantesque manifestation du peuple face aux chars, le jour de l'invasion de Prague, puis résignation face à la normalisation. Dobtchek, qui avait voulu instaurer un socialisme à visage humain, a appelé à ne pas résister. De ce côté-ci, inquiétude, silence et tristesse. Le climat est très lourd. Nous flânons aussi assez souvent dans Brunswick, où il nous arrive de croiser le Serbe Milan, un peintre de caractère ombrageux qui a de l'avenir, répète souvent Klaus. Ce slave aux yeux bridés me déshabille ostensiblement de la tête aux pieds, ou bien il m'ignore avec superbe. Il a l'air de détester les femmes, ou bien de les aimer pour la chose qu'on devine. Aucun Allemand ne s'est montré jusqu'alors à ce point irrespectueux. Un jour, il m'a déclaré que je suis franchement laide quand je fais l'amour, et il se met à m'imiter de manière caricaturale. Depuis, quand il nous arrive de le rencontrer, je ne lui adresse plus la parole. La misogynie est aussi très palpable chez beaucoup d'étudiants orientaux, iraniens notamment, fréquentant le restaurant universitaire où nous déjeunons presque tous les jours. Le virilité, qui a quelque chose de brutal et d'arrogant, me semble une offense permanente faite aux femmes, et en même temps il m'arrive de me sentir bouleversée sensuellement par leur fort très mal. Le soir, nous allons voir parfois les Grossmann, toujours aussi irrévérencieux envers petit chat engoncé dans son costume gris de banquier. Le bonhomme reste planté là, les mains dans les poches, impassible, sous les quolibets de son épouse et de ses deux fils. Quelle famille infernale et incompréhensible! Madame Grossmann est tout sucre avec la Suissesse Agnès, l'amie d'Andreas, laquelle jette des coups d'œil en douce en direction de Karl, qui se caresse voluptueusement la moustache. Personne ici n'en prend ombrage, car on a l'esprit large. Andreas, que je soupçonne de se sentir soulagé de la fin d'une relation qu'il ne voulait pas intime, sait maintenant pourquoi la jeune trentenaire s'est inscrite à un cours d'allemand accéléré à Brunswick, tandis que son grand ami s'est mis à l'apprentissage du français. On parle politique, mais pas trop. La mère et les fils se montrant sidérés par l'offensive des Russes et de leurs alliés du pacte de Varsovie contre ce qu'ils appellent une atteinte inadmissible à la liberté des peuples. Le père, lui, hausse les épaules, comme s'il ne s'était pas attendu à autre chose. Moi aussi, je suis abasourdi par les événements de Prague. Je ressens littéralement de la haine pour la caste au pouvoir des pays dits socialistes dans lesquels on asservit les populations. Hier, debout devant la lucarne entr'ouverte sur le ciel de plomb, j'ai dit à Klaus « Et si on partait quelque part dans le sud? J'ai besoin de soleil et de respirer un air moins lourd. » Oui. Pourquoi pas? Je vais d'abord finir le tableau que j'ai commencé. Attends encore quelques jours. Nous prenons place cet après-midi dans le salon de Manfred et Elke, qui occupe un coquet petit appartement non loin du centre-ville. Tout brille et reluit. De jolis rideaux aux fenêtres et un gros bouquet de glaïeuls sur la table. Les jeunes mariés possèdent déjà tout, l'utile et le superflu, et même une voiture. D'habitude, quand nous allons chez eux, nous buvons un thé en discutant de choses et d'autres, mais pas de politique qui semble être le dernier souci du couple, ni même d'art, alors que Manfred est étudiant en art plastique. Dans la conversation, les mots « acquisition » et « acheter » reviennent avec une régularité de métronome. Rien ici ne laisse supposer la spécialité du jeune homme en dehors de deux dessins assez talentueux, trônant symétriquement dans leur cadre, au-dessus du canapé neuf. Cet intérieur n'est pas celui d'artiste, mais celui d'un couple ordinaire dont la maxime pourrait être ordre et propreté, vie rangée et bonne moralité. Manfred n'a d'autre ambition que celle de toucher un salaire fixe de fonctionnaire et Elfriede se satisfait pleinement de son emploi de secrétaire. Aujourd'hui, on boit donc le thé comme à l'accoutumée, en débattant cette fois-ci d'un sujet d'une importance primordiale, la griffure constatée la veille par les jeunes gens sur une portière de leur Volkswagen flambant neuve. Elke, tout en se manicurant méticuleusement les ongles, qu'il lui faut avoir impeccable pour son travail, glose interminablement sur le sujet. Les yeux fixés sur ses mains, elle vitupère et s'indigne. L'assurance ne couvre pas l'incident. La personne responsable n'a pas laissé d'adresse, la réparation va coûter cher et ne sera pas parfaite. Ce désastre, elle tient absolument à nous le montrer. Nous descendons dans la rue où la voiture est garée. Manfred sort tout de suite un mouchoir en papier de sa poche pour ôter une fiente de pigeon sur le pare-brise. Puis on fait le tour de l'objet rouge vif qui rutile sous le soleil à son zénith. Là, sur l'aile arrière-gauche, regardez. Klaus, qui est très myope, colle quasiment son nez sur la voiture. Oui, en effet. Il abonde dans le sens de Manfred et d'Elke, pas seulement par politesse. Je m'en retiens pour ne pas éclater de rire, car j'ai de la peine à distinguer la minuscule éraflure. Mais c'est à peine visible. Que n'ai-je dit? Les sourcils se froncent, l'incompréhension est totale. On remonte dans l'appartement où on se rassoit. La discussion dérive sur la qualité des différentes marques d'automobiles. Un autre sujet éminemment passionnant. Klaus n'en finit pas de se plaindre de la 4L9 qu'il vient de s'offrir avec mon allocation d'élève-professeur pour remplacer sa vieille charrette. À force d'entendre que cet achat était dans notre intérêt commun, l'incorrigible ingénieux que je suis a déposé toutes ses économies de l'année avec magnanimité aux pieds de son Dieu pour le soulager de ses problèmes de dos occasionnés par le portage de ses gros cartons à dessin entre l'école et sa chambre. D'après son propriétaire, la 4L serait poussive, présenterait de minuscules taches de rouille et ferait des bruits inquiétants. Ces voitures françaises, c'est du toc, martèle-t-il. Rien ne vaut la bonne vieille qualité allemande. Ces propos me mettent tellement hors de moi que je déclare froidement à mon ami, quitte à passer une fois de plus pour une grincheuse, que je n'ai pas les moyens de lui offrir mieux et qu'il devra se contenter du taco. Moi, en France, je fais uniquement usage de mes pieds. Je récolte un mauvais regard de biais, mais on en reste là, car elle qui propose d'aller voir les canards aux étangs de Riedachshausen à la sortie de la ville.